ouais, ça va, c'est pas mal, hein. Ah, Jeanne. Romino. Oui, oui. Oh, monsieur, pas mal, monsieur. Celui-là. Ouais, c'est pas mal, ouais. Chantez bien. Non, non, monsieur, vous trompez, là, il rappe. C'est pas du chant, il rappe. Ça, il rappe. Ouais. Chantez bien. Non, non, il a chanté et rappé, lui, il rappe. Attends, attends. Qui fait du rap, du rail ou du coup de roue, à un moment donné, c'est la même mayonnaise. Qu'est-ce que tu me racontes là? Non, monsieur, là, c'est du rap, c'est pas du chant. Écoute-moi, qui rappe ou qui chante, c'est pareil, il chante, c'est bien. Non. Bon, de toute façon, tais-toi. À un moment donné, il a carapé comme ça, lui chante, hein. Et voilà, point barre. Ils sont pas que ces jeunes-là.